Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Histoire extraordinaire, donc un épisode qui sera dédié à l'empereur de Chine Wu Zetian, qui est empereur qui était une femme. Je suis Maroussia et je suis accompagnée de Laura, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc c'est pas la première fois dans l'histoire qu'une femme se saisit d'un titre masculin pour renforcer son pouvoir. C'était le cas par exemple du roi pharaon Hatshepsut qui a vécu en Égypte environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc je m'excuse par avance pour tous les noms chinois que je vais écorcher. Je vais essayer que ce soit pas le cas, mais j'ai peur que ce soit le cas. Donc Wu Zetian, c'est une figure qui est très connue en Chine, car elle est la seule femme à avoir utilisé ce titre masculin d'empereur. Cependant, elle est presque inconnue en France, ce qui est dommage parce que son histoire est vraiment incroyable. Donc elle est née en 624, et c'est une époque en Chine où les femmes étaient présentes dans les arts et parfois même dans la politique. Du coup, l'éducation des filles était tolérée. Donc elle vient d'une famille qui est aisée, pas d'une grande famille non plus, mais d'une famille qui va l'éduquer. C'est une fillette qui est intelligente et qui est particulièrement belle. Et c'est pour ça qu'elle va rentrer à la cour de l'empereur Tang Taizong alors qu'elle a seulement 12 ans. Et elle va rentrer au rang de talentueuse. Tu peux nous préciser ce que ça signifie talentueuse? Oui. Donc en fait, il faut savoir que l'empereur de Chine à cette époque, il avait des centaines de concubines. Et elle possédait différents grades. Et les plus basses, elles rencontraient parfois jamais l'empereur au long de leur carrière. Genre jamais. Et donc Wu, elle a commencé à un des rangs les plus bas, où elle avait été surnommée Mei. Et en fait, en vrai, les concubines impériales, elles espéraient toutes avoir la chance de porter l'enfant de l'empereur, parce que quand c'était le cas, alors elles devenaient beaucoup mieux traitées, et elles pouvaient même espérer devenir impératrice douairière si leur fils devenait empereur. Et ça veut dire quoi, douairière? En gros, c'est que leur fils a le statut d'empereur, donc c'est lui qui dirige, mais c'est la mère de l'empereur. D'accord. Donc, c'est quand même vachement mieux que concubine. Oui, c'est un rang au-dessus. Exactement. Donc, dès son arrivée, elle est remarquée par le dauphin, qui s'appelle Lidzi. Mais en 649, l'empereur meurt. Et du coup, elle est envoyée avec les autres concubines dans un monastère où elle restera 3 ans. Et pourquoi un monastère? Tu sais pourquoi? Oui, en fait, à l'époque, les concubines, une fois que l'empereur mourait, les concubines étaient envoyées dans un monastère parce qu'on estimait que le nouvel empereur, du coup le fils, n'allait pas coucher avec les mêmes filles que son père. Parce que c'était mal vu ou... Ouais, même temps, c'est pas faux, c'est un peu étrange. Mais à cette époque-là, exactement, il y a quand même une nouvelle culture qui s'installe en Chine. Et du coup, ça devient quand même un petit peu plus toléré. Et c'est ce qui va permettre à Wu, finalement, de revenir à la cour. Du coup, l'empereur fait un pèlerinage dans ce monastère. Et cet empereur, c'est le dauphin qu'elle avait rencontré avant. Il est devenu empereur et il a pris le nom de Gao Zong. L'impératrice à cette époque-là, elle s'appelle Wang et elle est stérile. Et quand elle entend parler de Wu, parce qu'elle entend dire que l'empereur l'a vue et l'a trouvée incroyablement belle, elle voit direct le moyen de diminuer l'influence de la seconde épouse de l'empereur, qui s'appelait Xiao Shufei. Donc Wu est ramenée à la cour et elle obtient le rang de concubine de Kairen, c'est-à-dire un rang qui est un peu au-dessus de celui qu'elle avait auparavant. Et du coup, elle en profite pour nouer des relations à la cour. Le plan de l'impératrice Wang commence par marcher, parce que la seconde épouse, Xiao Shufei, elle tombe en disgrâce. Donc, changement de rang de concubine pour Wu, qui continue à grimper dans la hiérarchie, et qui devient Zhao Yi, c'est-à-dire cinquième dame dans la hiérarchie du palais. Elle accouche alors d'un premier enfant, une fille, qui va décéder rapidement. Et alors, c'est là que les avis divergent. En fait, Wu Zetang, elle a vraiment une rumeur noire, enfin une légende noire autour d'elle. C'est-à-dire que les historiens, tout de suite après sa mort, n'ont pas trop apprécié en fait qu'il y ait une femme qui prenne le pouvoir et qui soit aussi puissante et qui termine une dynastie. Et du coup, on va dire qu'ils ont mis un aspect plutôt négatif sur son histoire et il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs. On n'arrive pas à savoir si elles sont vraies ou pas. Oui, c'est une figure qui fait vraiment débat et on ne sait pas si c'est par rapport à son histoire ou si c'est parce qu'elle a été un peu rebelle. Exactement. Donc, Ce qui est dit, c'est qu'elle aurait étouffé sa propre fille elle-même juste après le passage de l'impératrice pour la faire accuser. Du coup, ça, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Mmh. En tout cas, le bébé meurt et c'est l'empereur qui le trouve. Et du coup, les suivantes de Wu, elles rejettent la faute sur l'impératrice. Donc cette dernière, elle est répudiée et Wu prend sa place. Une autre légende noire est que elle lui aurait fait couper, enfin que Wu aurait fait couper à l'ancienne impératrice les mains et les pieds après avoir appris que l'empereur continuait de venir la voir. Donc en fait, c'est seulement quelques années après son retour du monastère, à 32 ans, qu'elle devient première épouse et obtient là le titre de Zeitan selon la volonté du ciel. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le statut le plus haut possible pour une femme. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et qui n'aurait jamais été pris avant. En tout cas, on ne sait pas. C'était vraiment genre le top qu'elle pouvait faire à l'époque. Ou, enfin, avant qu'elle devienne encore mieux, mais elle est devenue encore mieux d'après ses propres règles. Ouais. C'est d'après ça. Les règles de l'époque, mais c'était. C'était le haut de la hiérarchie. Donc, dans les années qui suivent, la santé de l'empereur, elle va se dégrader, et elle en profite pour l'aider à gouverner. Ils vont avoir 4 fils ensemble. Et très vite, elle écarte les 2 premiers du pouvoir. Le premier, il meurt empoisonné, et le second, il meurt assassiné après avoir été banni du palais. Et on sait pourquoi elle veut à tout prix les écarter. Parce que ils étaient assez populaires auprès de la cour, des conseillers et du roi. Et alors je ne sais pas, on ne sait même pas en vrai si c'est elle qui l'a fait les faire assassiner. Il y a une grande chance que ce soit elle, mais je pense que c'était aussi parce qu'elle voulait pas perdre l'influence qu'elle avait. Oui, donc elle projetait peut-être déjà d'avoir du pouvoir. C'est ça. Et en fait, très vite, elle commence à prendre de plus en plus de pouvoir. Par exemple, elle va se faire octroyer une place primordiale dans des rituels traditionnels. Et avec cette technique, en fait, elle n'est plus seulement une image, elle est plus quelqu'un qui accompagne, mais là, elle devient vraiment nécessaire au pouvoir. Oui, elle est indispensable. Exactement. Et on lui donne le titre d'impératrice céleste. Donc du coup, elle fait en plus inscrire le clan Wu parmi, c'est-à-dire son famille, parmi ceux de première importance dans le registre des grandes familles, ce qui n'était pas le cas avant, parce que comme on l'a dit auparavant, c'était une famille qui était aisée, mais qui n'était pas non plus une grande famille. Et elle en profite pour donner des titres qui sont très très prestigieux aux membres de sa famille. En 660, là toujours, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il y a 2 versions de ce qui se passe en 660. La première version, c'est que l'empereur y voit que son pouvoir est en train de s'affaiblir. Du coup, il décide de se débarrasser de son épouse, mais celle-ci est devenue déjà trop puissante. Du coup, il est obligé d'abdiquer en faveur de son troisième fils. La seconde version, c'est que l'empereur voit lui-même que sa femme est tellement bonne dans ce qu'elle fait qu'il décide de lui laisser son trône. En tout cas, les hauts dignitaires ne sont pas du tout contents. Et Wu décide de faire assassiner tous ceux qui lui sont hostiles. Ah oui, c'est radical. Radical, c'est sûr. Efficace. Oui. En 683, l'empereur meurt. Et là, on sait comment il meurt ? Écoute, les annales de la cour laissent sous-entendre, pas très subtilement, qu'elle aurait pu le tuer. Donc elle l'aurait fait, par exemple, assassiner comme elle l'a fait avec les hauts dignitaires ? Apparemment, il était malade. Elle a dit au médecin qu'il n'avait pas le droit de toucher son visage. Il l'a quand même fait. Il a réussi à le sauver. Elle, ce qui marque dans les annales, c'est qu'elle a fait semblant d'être trop heureuse quand il l'a sauvée. Et que quand le médecin est parti, l'empereur était en bonne santé. Mais que par contre, quelques jours plus tard, il est décédé. Après... continue à le dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont de la propagande négative à propos d'elle. Donc, c'est compliqué de savoir si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Beaucoup de mystères en fait autour d'elle. C'est ça. Donc son troisième fils devient empereur, mais comme il est un peu trop indépendant, elle le démet et elle met son quatrième fils au pouvoir. Dès 684, c'est-à-dire un an après la mort de son mari, il y a déjà des révoltes pour qu'elle ne soit plus au pouvoir, mais elle les mate. En 688, elle commence à utiliser la propagande pour légitimer son futur titre d'empereur. Par exemple, il y a une histoire qui dit qu'elle aurait fait écrire sur des stèles « La sage-mère est descendue sur terre avant de les faire placer dans un fleuve où ils vont être découverts peu de temps après. Elle fait ensuite créer des caractères chinois, des nouveaux caractères chinois. Et en 690, elle dégrade son quatrième fils, qui était empereur, et elle le dégrade au rang de prince héritier, et elle s'autoproclame empereur de la dynastie Zhou. Car, respect, elle instaure une nouvelle dynastie, la dynastie Zhou, dont elle se déclare descendante. Ouais, ça c'était vraiment inédit auparavant, personne n'avait osé faire ça. Bah, tu pouvais en fait dire que c'était une nouvelle dynastie, mais pas quand t'étais une femme, parce que oui. T'étais pas empereur. Oui, c'était impossible. C'est ça. Elle construit le monastère du nuage supérieur, et ce monastère, en fait, il y a un Bouddha géant là-bas, et on dit que son visage aurait les mêmes traits que du coup, le nouvel empereur, Wu Zetian. Mm. Donc, dans les années 690, il y a beaucoup de problèmes avec les Turcs qui attaquent des provinces chinoises. Il y a une inscription turque de l'époque qui dit, sur cette situation, que les esclaves étaient eux-mêmes propriétaires d'esclaves, tant nous avions fait d'expéditions victorieuses. Oh, c'est fou. Ouais, c'est quand même assez dingue. Mmh. Donc, elle dit, je vais apaiser les Turcs. Et elle propose au souverain turc que la fille de ce dernier épouse son neveu préféré. Les Turcs y refusent. Et ils demandent que le prince, l'héritier légitime, qui est du coup le troisième fils, soit remis sur le trône. Donc elle dit, ok, on le remet sur le trône. Mais c'est ce qu'elle fait, mais en vrai, elle continue de garder le pouvoir. Elle va abdiquer en 705, alors qu'il y a une rébellion et qu'elle est vraiment fragilisée par la maladie. Son troisième fils va reprendre le pouvoir et il va rétablir la dynastie Tang. Et elle, à sa mort, elle demande à ce que son titre d'empereur soit changé en impératrice. Et elle veut être enterrée auprès de son mari. Et ça, on sait pourquoi elle veut passer de empereur à impératrice, ou c'est flou une fois de plus Bah, encore une fois, c'est flou. Nous, on connaît les faits, on sait que ça a été changé. Après, est-ce que c'est elle qui l'a vraiment voulu, ou c'est ce qui a été changé pour que dans l'histoire, elle soit marquée comme impératrice? C'est compliqué. Après, le terme en chinois d'empereur est un terme qui est masculin. Donc, ce qu'on vous raconte là en français, c'est applicable en chinois. D'accord. Apparemment, elle aurait aussi rendu leur position aux familles de l'impératrice, de l'ancienne impératrice, l'impératrice Wan, et de Xiao Zhufei, l'ancienne seconde épouse, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux ministres démis pendant les régimes, pendant son régime. Sur elle, ce qu'elle a fait pendant qu'elle régnait, elle a eu vraiment des politiques qui étaient assez différentes. Elle a demandé des baisses d'impôts. Elle a demandé à ce qu'il y ait... Elle a voulu vraiment développer l'agriculture. Et elle a aussi beaucoup œuvré pour le statut des femmes. Par exemple, elle a décidé qu'on devait organiser des funérailles publiques pour les femmes sans abri, qu'il fallait prendre soin des veuves, qu'il fallait que des hospices pour les vieilles femmes soient créés. Parce que jusqu'ici, ça n'existait pas. Bah, en tout cas, probablement pas, vu que elle, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a demandé qu'il soit créé. Ensuite, elle a aussi favorisé une expression beaucoup plus libre dans les critiques, mais tout ça, en fait, c'était apparemment pour mieux repérer les gens qui étaient contre elle. Oui, puisqu'on a vu que tout à l'heure, elle avait vraiment mis en place un système de propagande. Oui, c'est ça. Donc elle voulait vraiment... Et elle met en place, du coup, un système de délation avec des urnes dans les palais et où les gens peuvent venir déposer des messages, où ils avertiraient quand il y a une situation où ils pensent que le régime est en danger. Bonne technique également. Oui, une sorte de dénonciation qui lui sert à elle. Exactement. Elle fait aussi changer le recrutement des fonctionnaires. En fait, elle crée une véritable méritocratie parce qu'elle met en place des examens, alors qu'au départ, c'était vraiment l'origine familiale du candidat qui déterminait s'il allait être pris. C'est-à-dire, t'es dans une grande famille... Tu vas avoir un bon poste. Là, maintenant, elle dit non, là, vous devez taffer. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs, toujours très difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Il y en a qui disent qu'elle aurait eu un véritable harem d'hommes. Il est très probable qu'elle ait eu des amants. Après, est-ce qu'elle a eu un véritable harem d'hommes? Plutôt fantasmé, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle aurait également fait torturer ses opposants, puis fait tuer ceux qui les auraient torturés pour se disculper. Bonne technique. Et en fait, aujourd'hui, dans l'opéra chinois traditionnel, elle continue quand même d'être représentée avec ce qu'on dit un visage blanc, c'est-à-dire comme traître. Donc on voit que même aujourd'hui, il y a toujours en fait cette image qui est assez négative. Et du coup, le blanc signifie la trahison. En tout cas, dans l'opéra chinois traditionnel, la trahison ou alors les empereurs qui ont été vraiment très, on va dire, durs. Violent. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour Wu Zetian et on vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'Histoire Extraordinaire. Au revoir! À bientôt!